Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Deux associations de lutte contre le cancer masculin ont lancé mardi dernier une campagne avec un spot malicieux diffusé sur Internet. Un vrai film de boule filant la métaphore pétanquiste pour inciter les hommes à surveiller leur matériel. Tous les jours, on se retrouve ici avec les gars pour jouer aux boules. On ne peut pas rigoler avec notre matériel, on doit vraiment en prendre soin, c'est vital. Alors, quand elles ne sont pas de sortie, je les garde bien au chaud à la maison. C'est essentiel de les inspecter fréquemment pour être sûr qu'elles soient bien au top. Bon, il y a des gars qui jouent avec des boules de taille différente, ça c'est pas grave. Le plus important, c'est surtout qu'il n'y ait rien qui cloche et qu'on ne sente pas de gêne quand on les a en main. Parce que le moindre petit pépin, et ça peut être le drame. Faites gaffe à vos boules, les gars. Ça serait vraiment couillant. Le cancer testiculaire n'est pas un jeu. Pensez à inspecter régulièrement votre matériel. Pour effectuer un bilan testiculaire, vous devez simplement prendre rendez-vous chez votre médecin traitant qui saura vous montrer les gestes à connaître pour surveiller efficacement votre matériel. Alors c'est le réalisateur facétieux de l'émission David Jacoboviez qui a sélectionné ce spot et comme David n'a pas des connaissances précises en anatomie, il a confondu les testicules et la prostate puisqu'il va être question du cancer de la prostate et du dépistage du cancer de la prostate. Et s'il s'agit d'un super fail, eh bien c'est parce que pour certains, ce dépistage est en soi une catastrophe. Alors comme c'est une thèse assez polémique, vous entendrez tout d'abord le contre dépistage de la prostate, puis le pour et le contre, en l'occurrence, c'est vous, docteur Christophe Desportes. Vous avez publié Le scandale du dépistage du cancer de la prostate, 300 000 hommes impuissants pour rien aux éditions Pascal, avec tout d'abord une question. Et lorsqu'on opère un cancer de la prostate, on rend inévitablement un homme impuissant? Suite à une opération chirurgicale de la prostate, on estime 60% des hommes deviennent impuissants. En tout cas, ont des grandes difficultés et nombreux sont vraiment impuissants. Expliquez-nous pourquoi vous considérez que ce dépistage est, on va dire, beaucoup trop généreux par rapport au nombre de cas véritables, docteur Desportes. C'est-à-dire que ça fait plus de 20 ans qu'on dépiste, d'accord ? Donc ça fait plus de 20 ans qu'on dit aux hommes, voilà, on va vous opérer. On va vous traiter, parce qu'on va chercher ce cancer, et si on le trouve, on va faire ça, vous opérer ou bien vous traiter. Donc ça fait plus de 20 ans que cette histoire dure, et la mortalité en France ne baisse pratiquement pas du cancer de la prostate. À tel point que je ne suis pas du tout le seul à le dire. En France, on a une haute autorité de santé, et cette haute autorité de santé dit clairement les choses. Elle dit qu'il n'est pas attendu, suite à un dépistage et donc une opération ainsi de suite, à ce que la vie soit prolongée et qu'elle soit améliorée. Donc c'est clair et net pour la haute autorité de santé qui, en France, organise et donne les bonnes pratiques de la médecine. Mais alors, le docteur, c'est quand même étonnant parce qu'a priori, un dépistage, d'ailleurs, un dépistage du cancer de la prostate, ça se fait comment? C'est ça qui est en fait probablement le début de toute cette histoire, c'est que ça se fait très facilement. Il suffit de faire juste une prise de sang au départ, qu'on appelle les PSA. Et la plupart des médecins le font parce que c'est pas très compliqué. Quand vous voyez un homme de plus de 50 ans, allez, on le met à la fin de l'ordonnance, allez, on met les PSA, puis les hommes le font. Hein. Je pensais qu'il y avait une autre technique aussi. Après, si les PSA ont augmenté, ces médecins, et c'est surtout les urologues... Ça fait rigoler la régie. Hein. Non, mais c'est bien. Guillaume, vous avez quel âge? Écoutez, j'ai 50 ans, donc j'ai pas encore 51 ans, mais dans 6 mois, peut-être que... Non, mais faites pas rigoler la régie pour rien. Non, mais c'est bien de s'informer. Donc, ensuite, on va proposer à ces hommes une biopsie. Et il faut savoir que, en fait, ce qu'on appelle cancer, c'est parce qu'on dit quelqu'un a un cancer, qu'on a trouvé des cellules cancéreuses. Et plus on vieillit, plus nos cellules se désorganisent un petit peu. Et particulièrement dans la prostate, il y en a pas mal. Et ces cellules vont devenir ce qu'on appelle cancéreuses. D'accord ? La plupart des hommes ont des cellules cancéreuses dans la prostate sans le savoir. Et c'est quand même toute une affaire assez étonnante de se dire tout d'un coup, parce qu'on a trouvé ces cellules cancéreuses, on va dire à ces hommes qu'ils sont cancéreux. Or que la plupart du temps, ils auraient été jamais gênés par ça. Mais alors, d'ailleurs, à ce propos, les PSA, on appelle ça ainsi, les PSA, ils mesurent quoi, docteur ? Ça mesure une hormone que sécrète la prostate, et puis celui qui a trouvé, un chercheur américain qui avait trouvé ça, même aujourd'hui regrette un peu cette affaire. C'est un peu le Einstein de la prostate, on pourrait dire. Il regrette parce que... Je vous laisse votre comparaison parce que je ne sais pas très bien où ça nous embête. Non, mais en fait, voilà, on fait les PSA. Si ça augmente, les urologues proposent de faire une biopsie. Et la biopsie, c'est pas un truc marrant. Moi, j'ai vu des hommes, je raconte ça dans mon bouquin, j'ai croisé un homme la dernière fois, il est rentré chez lui. Comme la biopsie, c'est on va passer une aiguille à travers le rectum pour... On voit très bien. Et voilà. Et ben on lui a fait ça. Le gars, il a saigné, il est rentré chez lui. On il a voit dû très très bien. Ah mais bien, vous voulez docteur. Pas qu'on en parle Non mais c'est regardez, il y a déjà un malaise en régie. Ouais, mais c'est vrai que c'est une histoire. Vous savez moi. Mais parce qu'attendez, vous allez dire que je me polarise sur certaines choses. Allez-y. Parce que moi, je pensais qu'il y avait une autre méthode entre la biopsie et les taux de PSA pour savoir si une prostate est normale ou pas. Alors il y a le toucher rectal. Ah, nous y voilà. Non mais le toucher rectal, ça permet de voir un petit peu comment est la taille de cette prostate et puis si elle a des indurations. Mais ça revient en même, on s'en fiche. Vous savez, dans cette histoire, faut revenir à des choses basiques. Moi, je suis médecin généraliste. Mon travail, mon but, c'est d'accompagner les gens le mieux possible. Quand un truc ne marche pas, quand ça ne marche pas du tout, il faut comprendre que il y a 25 ans, il y avait 9200 morts par le cancer de la prostate. Aujourd'hui, il y en a 8700. C'est nul comme résultat. C'est d'une médiocrité incroyable. Vous avez un petit peu moins de morts. La Haute Autorité de Santé considère que c'est l'amélioration peut-être des traitements des gens qui avaient des cancers eux-mêmes qui a fait que ça a baissé un peu. Mais c'est nul quand même. 500. Vous savez combien de gens ont été traités pendant toutes ces années-là? 700 000. 700 000 hommes traités pour une baisse de la mortalité, si on leur accorde, qui est d'une telle médiocrité. Ce que vous dites, docteur, en substance, c'est qu'en réalité, au travers de ce test des PSA, il y a des faux positifs. Oui. Bah c'est à vous de développer, parce que c'est pas moi le docteur. Non, mais je vois que vous me sortez ça. Oui, Ah oui, c'est d'ailleurs le cœur de votre argumentation. C'est pas tellement ça. Le cœur de mon argumentation, c'est à quoi ça sert la médecine. La médecine, c'est pour accompagner les hommes. Si on s'aperçoit qu'on fait une action médicale, en l'occurrence dépister, traiter un cancer, et que on ne baisse pas leur mortalité, et qu'on emmène des gens sur un chemin. Mais il faut comprendre, parce que vous savez, moi, je suis médecin généraliste au fin fond de la Bretagne. Je suis maintenant, je fais que des gardes, mais pendant 15 ans, j'étais médecin généraliste. Et moi aussi, j'ai cru que c'était une bonne idée. Vous savez, je ne critique personne qui peut croire que c'est une bonne idée, parce que ça paraît tellement évident que dépister, c'est une bonne idée. Mais en l'occurrence, on dépiste et finalement, on traite et on guérit pas, parce que déjà, les gens sont pas malades au départ, et en plus, on les emmène sur un chemin. La dernière fois que j'ai fait une signature dans mon petit coin là-bas, j'ai vu un couple. Ils sont venus. Lui avait 57 ans, il était impuissant depuis 5 ans. Sa femme était là. Ils étaient face à moi. Et elle le regardait, elle lui disait « C'est dur mon chéri ». Et lui disait « Oui, c'est dur ma chérie ». On voyait bien que c'était dur de continuer leur chemin. Et quand moi, je suis en face de... Et qu'ils viennent lire, ils viennent entendre et lire mon livre et... Et donc entendre que ça n'a servi à rien, c'est vachement dur quand même. Je vais me faire l'avocat du dépisteur de la prostate, docteur. Ouais. Ça n'a pas servi complètement à rien, puisque cet homme est toujours là. Donc ce qu'on va vous rétorquer, c'est qu'il vaut mieux être en vie et impuissant plutôt qu'être mort. Et... Je comprends ce que vous voulez dire, Guillaume Bernard. Je vais vous dire quelque chose. La régie est d'accord. On va dire. Oui, je vais vous dire quelque chose, la régie. Tous les hommes que je croise... Ils sont passés dans les mains des... La plupart sont passés dans les mains des urologues, ou certains ont refusé de le faire. Mais ceux qui sont passés dans les mains, et dans les mains souvent robotisées de l'urologue, parce que les robots, il y en a de plus en plus, il faut les rentabiliser, ça c'est un autre sujet. Mais disons que tous ces hommes qui sont passés, on leur a dit qu'on leur a sauvé la vie. Ils sont là, ils me disent oui, mais moi c'est pas pareil. Si j'y étais pas allé, je serais mort. Mais si c'était vrai, la mortalité aurait baissé. C'est très simple, C'est très simple. On touche quelque chose de profond chez l'homme, qui est sa sexualité. C'est des gens qui ont donc. Pourquoi la prostate, ou plutôt le fait d'ôter la prostate, rend les hommes impuissants? Parce qu'à l'arrière de la prostate, il y a deux nerfs qui sont les nerfs érecteurs. Donc ces deux nerfs sont accrochés derrière, et la prostate a aussi un rôle de sphincter pour empêcher l'urine de tomber. Donc quand vous commencez à toucher à ça, je peux vous dire que vous compliquez la vie. Quand vous rentrez, je ne sais pas si vous avez fait expérience, allez dans une pharmacie du coin. Vous allez voir le nombre de couches qu'on vend maintenant pour les adultes. Quand j'ai écrit ce bouquin, à un moment, j'ai halluciné sur les chiffres. Je me disais, non, mais c'est pas possible, 300 000 hommes impuissants. En fait, j'ai réalisé qu'on peut presque dire que quand vous vous promenez dans la rue et que vous voyez un homme de plus de 50 ans qui passe... Moi, alors, sauf que là, je suis pas dans la rue, je suis dans le studio. Vous pouvez vous dire qu'il y en a un sur 50 qui est impuissant à cause de ça. Mais il n'y a pas des pilules, des choses? Les urologues ont un arsenal merveilleux avec des implants péniens, des trucs, des machins, des... Vous savez, c'est l'homme, c'est le couple, c'est... Mais devenir impuissant, c'est pas uniquement ne plus pouvoir faire l'amour, c'est aussi ne savoir qu'on peut plus le faire. Même des gens qui... Voilà, ça rentre... Non, là-dessus, docteur, donc, effectivement, ensuite, chacun est libre, et, évidemment, d'accepter ou non ce risque. Mais alors, ce que l'on pourrait vous rétorquer... On a compris votre discours contre le dépistage et contre les conséquences qu'il provoque. Qu'est-ce que vous préconisez? Moi, vous savez, je suis assez basique. Un truc qui ne marche pas, moi je ne le fais pas. D'accord, on ne le fait pas. Il faut comprendre aussi les conséquences. On dépense probablement plus de 2 milliards d'euros pour cet acharnement préventif depuis plus de 20 ans. 40, au moins, et mes chiffres, vous savez, c'est difficile de trouver des chiffres, mais j'ai quand même mes chiffres, je pense qu'ils sont, certainement un peu minimes. Cet argent aurait dû servir à bien autre chose que ça. Là-dessus, on peut vous suivre, docteur, évidemment, on comprend votre logique, mais qu'est-ce que l'on peut faire? Il y a quand même des cancers de la prostate. La preuve, ils font donc environ 9000 morts. Qu'est-ce que l'on peut faire pour empêcher une partie de ces 9000 morts? Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, médecin généraliste, j'ai cru dans mon petit coin, là, à Begmey, que c'était une bonne idée de dépister. Je l'ai fait pendant un an, j'ai fait des touches rectales, PSA, et puis je proposais aux hommes. J'avais pas pris 50 ans, j'avais pris 60 ans, ce que je me disais quand même. Vous êtes gentil. Comme je les avais pas encore. Je vous en suis reconnaissant. Et ça me regarde, en plus, moi, cette affaire. Vous savez, c'est ça aussi qui est étonnant, c'est que nous, médecins, on soigne des gens, bon, pour des problèmes qu'on n'a pas, et là, tout d'un coup, c'est le vôtre aussi, hein. Donc je dis, dans 50 ans, c'est un peu tôt. Et heureusement, j'ai rencontré un médecin, et je le remercierai toujours, qui m'a dit, mais Christophe, la Haute Autorité de Santé ne le conseille pas, jamais on va recevoir un papier pour aller faire un dépistage du cancer de la prostate, parce que ça marche pas. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, purée, je me suis fait avoir, moi qui pensais que comme médecin, je faisais de mon mieux possible... J'étais en train d'emmener des gens sur un chemin... Vous savez, on va mourir un jour. Le cancer de la prostate, peut-être. Hein. On meurt en moyenne à 82 ans du cancer de la prostate. Donc, ennuyer des hommes pour un cancer où on va mourir tard, c'était déjà compliqué. Mais pourquoi pas si ça avait marché? Mais ça n'a pas marché. Et donc, un truc qui marche pas... On l'arrête. Les statistiques sont complètes, sont nettes. Marche pas. Je vais vous poser quand même la dernière question. Donc, on a bien compris. Vous dites, voilà, finalement, il faut laisser ce processus aller jusqu'à son terme. Mais est-ce que ça veut dire que, idéalement, vous ne traiteriez pas quelqu'un pour un cancer de la prostate? On s'entend bien, on parle de dépistage. Mais oui, mais le problème, c'est que si vous ne dépistez pas, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a ou non cancer de la prostate. Chez ces 8000 hommes qui meurent tous les ans, effectivement, ils ont eu des complications, on peut avoir des métastases et tout, donc il y a des traitements hormonaux, des choses comme ça. Mais ça, on parle de traitement de la maladie. Quand on reprend les chiffres et qu'on se dit qu'on a eu 700 000 hommes en 20 ans qu'on a traités pour essayer de les empêcher d'avoir ce cancer et que finalement la mortalité n'a pas baissé, on peut se dire quand même que ces 700 000 hommes, on aurait dû les laisser tranquilles, avoir cette partie de vie après 50 ans, 60 ans, où on sait qu'on va mourir, mais on commence à avoir on essaye d'atteindre un petit peu de sérénité, de tranquillité, d'apaisement pour pouvoir aborder la mort. Mais est-ce que vous pensez que ces hommes-là, ça va être facile ce chemin? On leur a compliqué la tâche. Merci, docteur Desportes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le scandale du dépistage du cancer de la prostate, 300 000 hommes impuissants pour rien, c'est aux éditions Pascal. Super fait. Alors maintenant que nous avons entendu l'argument du docteur Desportes contre le dépistage du cancer de la prostate, on va entendre un argument en faveur de ce dépistage. Le professeur Guy Valencien, bonjour, vous êtes membre de l'Académie de médecine et vous êtes plutôt favorable à ce dépistage. Alors, je ne suis pas favorable au dépistage de masse et je pense que personne ne l'est. Il y a eu une confusion depuis des années. Aller faire un dosage du PSA chez tout homme de 50 ans en milieu de travail, non. En revanche, qu'un homme à 50 ans puisse savoir s'il risque d'être atteint ou s'il est atteint, oui, c'est logique. On est donc dans le diagnostic individuel précoce. Et tout le débat qui a eu lieu est un débat faussé, en ce sens que les épidémiologistes, ceux qui regardent les statistiques des maladies, ont fait courir le bruit de surdiagnostic. Ce terme est terrifiant parce que quand vous avez une biopsie avec une cellule cancéreuse positive, c'est bien un cancer. Il n'y a jamais de surdiagnostic. En revanche, oui, il y a des surtraitements. Nous avons trop traité, sans doute, des malades qui avaient des cancers de prostate qui n'étaient pas très agressifs. C'est-à-dire, expliquez-nous, qu'on comprenne bien la différence. Eh bien, quand vous avez un cancer de la prostate, vous pouvez avoir des cellules qui sont très agressives, qui vont attaquer le corps humain, qui vont créer des métastases, donc des petits dans des organes différents, notamment les os, et c'est extrêmement douloureux. Et puis vous en avez d'autres dont les cellules cancéreuses vont rester cantonnées dans la prostate pendant des années, même parfois jusqu'à la mort de la personne, sans qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Et donc, tout le travail que nous avons à faire est de détecter si ce cancer est agressif ou pas. S'il ne l'est pas, il faut simplement surveiller. S'il est agressif, il faut traiter. Je vais le dire dans mes mots, et donc ça va être assez abrupt, professeur Valencien. Ça veut dire qu'il y a des gentils cancers et des méchants cancers ? Oui, il y a, si vous voulez, probablement le mot cancer est un mot terrifiant quand on le prend sur soi. Surtout que souvent, on n'a pas de signes, pas de symptômes particuliers. Donc on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi est-ce que le ciel me tombe sur la tête ? Et il y a donc toute variation dans les cancers, vous en avez, j'ai des malades que j'ai suivis jusqu'à ce qu'ils décèdent d'autre chose alors qu'ils avaient un petit cancer de prostate qui ne bougeait pas, qui n'évoluait pas, qui ne grossissait pas. Et puis d'autres qui vont évoluer très vite et d'autres qui vont évoluer de façon moyenne. On a de plus en plus d'arguments et d'éléments pour savoir à peu près où se situe le cancer de monsieur un tel ou un tel. Tant par le résultat du microscope, que par des bilans biologiques, que par des bilans d'imagerie, notamment la résonance magnétique nucléaire qui nous permet de voir les petits foyers. Donc on a beaucoup évolué. Ce que je ne veux plus, c'est ce que j'ai connu quand j'étais jeune chirurgien, jeune urologue. À l'époque, je voyais 3 malades sur 4 qui venaient nous voir, qui étaient avec des métastases et qui en mouraient dans les 2 ans. Voilà ce qu'était le cancer de la prostate. Aujourd'hui, je suis... Pourquoi est-il si agressif, le cancer de la prostate ? Et il peut l'être parce que c'est un cancer. Et donc, il a tendance, un cancer, c'est quoi ? C'est l'anarchiste dans une société organisée. Et des cellules qui se mettent à ne plus respecter. Mais la prostate s'est localisée, comme le disait d'ailleurs Mitterrand à l'époque. Pourquoi cette glande, qui n'est pas très grande, je crois, qui est située dans un endroit spécifique, pourquoi celle-ci peut provoquer des métastases un peu partout ? Mais comme tous les organes, quelle que soit leur taille, la surrénale est petite aussi, elle peut faire des métastases. Vous avez des organes plus gros comme le foie qui peuvent créer des petits lots de cellules cancéreuses ailleurs. Et la prostate n'y échappe pas. Simplement, c'est vrai que c'est une maladie de l'homme âgé et je dirais qu'on s'est probablement un peu foutu en se disant « Ouais, c'est des vieux, on n'en a rien à faire, on meurt de toute façon. » Donc, c'est pas la peine d'aller les traiter, ce qui est absolument scandaleux. On a 2 études, il faut bien voir les choses, 2 études essentielles qui ont été réalisées sur près de 25 ans maintenant. Une étude européenne qui montre, après à plus de 15 ans, que l'on a 30% de mortalité en moins. Et une étude américaine qui a été totalement biaisée, une horreur d'étude scientifique, on se demande comment elle a été publiée, car dans le groupe des malades qui n'était pas suivi par rapport au groupe des malades qui était suivi avec un dosage du PSA, dans ce premier groupe où les malades n'étaient pas détectés, il y en avait beaucoup qui avaient déjà eu un PSA avant. Donc c'était pollué, et les Américains avaient dit, on ne trouve pas de différence. Ils ont revu leur copie il y a 2 ans. Un an et demi. Ils ont revu leur copie et là, les 2 études américaines et européennes nous disent, oui, on réduit la mortalité du cancer de la prostate en le détectant. Mais alors, le docteur Desportes disait précédemment, avant que vous n'arriviez dans ce studio, Guy Valencien, qu'il n'y avait pas eu de baisse significative de la mortalité en France. Ah, ça n'est, mais c'est pas vrai, pas du tout. C'est pas du tout, pas du tout, pas du tout. On voit effectivement une augmentation du nombre de cas détectés et la mortalité baisse. Mais on le sait. Et l'étude européenne dont la France, à laquelle la France participe, le montre. Et l'étude suédoise, vous savez que les Suédois ont beaucoup plus de cancers de prostate que nous, est encore plus parlante. On Pourquoi est à 40%. Pourquoi ils en ont plus? Parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas. Est-ce que ce serait un problème d'ensoleillement? On ne sait pas. On n'a pas d'explication. C'est sans doute environnemental. De manque d'ensoleillement. Peut-être de manque d'ensoleillement. On ne sait pas. Mais c'est manquer de respect à la Suède. Non, mais c'est sans doute environnemental. De même que les Japonais font très peu de cancers de la prostate, mais les Japonais qui émigrent, qui vont aux États-Unis sur la côte ouest, ont un taux de cancer de la prostate qui augmente et leurs enfants rejoignent le taux de cancer de prostate des Américains. Donc il y a un tas de facteurs qu'on ne connaît pas encore. C'est curieux parce que pourtant il n'y a pas un ensoleillement radicalement. Non, mais c'est sans doute pas que le soleil, mais on ne sait pas. On a parlé de tout et de rien, du café, de ce que vous voulez, tiens, du glyphosate, et puis du glyphosate, enfin, vous voyez, bref, tout a été mis à la sauce, on ne sait pas. Et alors donc, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que vous en tirez comme conséquence? Parce que, à entendre le docteur Desportes, ce dépistage, il tendait donc à ôter la prostate de gens qui auraient très bien pu vivre avec, et il rendait du coup des hommes impuissants inutilement. Alors, il y a deux conséquences possibles, effectivement, lorsqu'on retire la prostate. L'impuissance, attendez, tout dépend de ce qu'on appelle l'impuissance. On n'est pas forcément complètement flasque. Il y a des hommes qui ont des dysérections, qui ont des érections moins fortes, et grâce à des traitements comme le Viagra, ils retrouvent la joie de vivre. Il faut non plus ne pas parler d'impuissance comme ça, comme si c'était... La régie reprend espoir. Deuxièmement... Derrière vous. Deuxièmement, l'incontinence, c'est pareil. Vous pouvez avoir parfois une fuite quand tout d'un coup vous faites un énorme effort brutal, vous avez une goutte qui part. C'est pas le drame du tout. Il n'y a pas que des hommes qui sont là, que l'on suit à la trace dans la rue. Enfin, arrêtons de voir ce côté terrifiant de ce qu'est la chirurgie ou la radiothérapie. Ce n'est pas vrai. On raconte des histoires parce qu'on ne veut pas s'occuper de ces hommes. Aujourd'hui, le message, il est le suivant. Oui, j'ai le droit à 50 ans qu'on regarde si je suis atteint d'un cancer de la prostate. À partir de là, c'est tout de suite de voir s'il faut ou non traiter. Donc suivre d'abord, hein, et puis regarder comment évoluent les données biologiques, les données d'imagerie, et de se dire, tiens, ben là, on peut très bien continuer à surveiller, il n'y a pas, rassurez-vous, vous n'allez pas en mourir probablement, et si jamais le cancer se mettait à évoluer, on aurait toujours les armes pour traiter. Bon, il y a quand même 8000 morts par an. Oui, mais c'est plus de deux fois plus que les accidents de la route. Et on s'en fout. Alors on fait tout ce qu'il faut pour empêcher les gens de se tuer en voiture en réduisant la vitesse à 80 à l'heure. Et les vieux messieurs, on les laisse de côté. Tous les présidents ont été traités, ou presque. Celui-ci que nous avons n'a pas été traité parce qu'il est jeune. Mais Mitterrand, De Gaulle, donc on s'en fiche pas. Alors que De Gaulle avait un adénome de la prostate, François Mitterrand était atteint d'un cancer. Je l'ai opéré pour la dernière fois, du reste, à la fin de sa présidence, et je l'ai suivi jusqu'à la fin. Il est mort de ça? Oui, il est mort de son cancer de la prostate, 14 ans après avoir été détecté, alors qu'il était avec des métastases en 81. Donc on voit bien qu'on peut vivre longtemps. Et alors lui, par exemple, pourquoi, je vais pas vous demander évidemment de dévoiler des secrets médicaux, docteur, mais est-ce que ça signifie qu'un cancer de la prostate détecté à temps, on n'a pas ôté la prostate de Mitterrand en 81? Non, parce que la maladie avait déjà évolué. Ce n'était plus utile comme traitement. Il a juste subi une intervention pour débloquer Pourquoi un petit peu. Pourquoi ça n'était plus utile? À partir du moment où le mal est parti hors de l'organe, traiter uniquement l'organe ne sert à rien. Donc on laisse l'organe et on utilise des traitements généraux, des chimiothérapies, des hormonothérapies qui agissent partout dans le corps. Et donc il a eu 14 ans de rémission? Oui. Oui. Grâce au traitement? Oui, absolument. Et grâce à sa volonté aussi, parce que je crois beaucoup à cela, quand on y croit, quand on a envie de se battre, c'est 50% de la, non pas de la guérison, parce qu'il en est mort, mais 50% de la survie. Et c'est vrai que ça l'a fait tenir énormément. Et je vais vous poser une question compliquée, professeur. Si Mitterrand n'avait pas été traité, est-ce que vous pensez que son décès serait intervenu rapidement? Est-ce que... Alors, impossible à dire, mais il est vrai qu'avec, il était très atteint, et donc probablement il n'aurait pas eu la possibilité d'assurer les deux mandats qu'il a assurés. Ce qui veut dire que lorsqu'il a été diagnostiqué, parce que c'est une scène qui a été racontée assez souvent, on s'est dit qu'il ne terminerait pas son premier lui-même, mandat. Lui-même l'avait dit, il s'était dit, mais bon, j'en ai pour 3 ans. Mais il a eu cette espèce de... Il a été traité, et bien traité, et avec cette incroyable énergie, cette capacité personnelle, humaine, de se dire, quand il parlait des forces de l'esprit dans son fameuse interview, eh bien voilà, non, c'était ça. Ses derniers vœux, c'était ça. C'était un homme qui pensait au-delà. Et ça l'a fait, je pense, énormément te dire. Merci beaucoup, professeur Valencien. Superfell a été piétiné par Daphné Abgral à la production, gâché par Inès De Bruyne à la technique et surtout dévasté par David Jakubowiez à la réalisation. Superfell.